Évariste Nziko Banyanga. Eddie Kadogé, Olivier Mugisha sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal et édition de la mi-journée de ce mercredi 29 août 2018, dont voici d'abord les principaux titres. La Chambre basse du Parlement a approuvé ce mercredi la nouvelle équipe de la Commission électorale indépendante CENI, l'équipe qui va remplacer celle existante dont le mandat expire le 5 septembre prochain. Une séance qui n'a pas vu la participation du groupe parlementaire Amizero Abarundi, vous l'entendrez dans ce journal. L'association des femmes juristes cueille à bras ouverts les propos du président du Conseil national de la communication, dénonçant la séquestration des trois journalistes de la radioculture, dont une femme. Et l'association des transporteurs du Burundi à Trabou en sigle est tranquillise que cette dernière est en train de tout faire pour trouver un autre parking des véhicules de transport qui font le trajet Bujumbura-Bubanza. C'est après que l'ancien parking ait été attribué à un particulier. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page politique. L'Assemblée nationale a approuvé ce mercredi les noms des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Composition envoyée à la Chambre basse du Parlement par le président de la République, Pierre Nkurunziza. Il s'agit de Philippe Nzobonariba, Hutu de Muramvya porte-parole et secrétaire général du gouvernement, Pierre Claver Kazihise Hutu de Mwaro, président de la Copa Burundi et directeur général de l'INSP, Marguerite Kamana Hutu de Bubanza, Annonciata Niyonguru Tutsi de Kayanza, Jean-Anastase Hichu Burundi Hutu de la mairie de Bujumbura, Yacinthe Niyonzima Hutu de Kayanza et Serge Ndayiragije Tutsi de Bururi, l'actuel ministre de la communication issu de la coalition Amizero Yabarundi. Cette nouvelle CENI va remplacer l'ancienne dont son mandat prend fin le 5 septembre de l'année en cours. Le groupe parlementaire de la coalition Amizero Yabarundi a boycotté cette séance arguant qui n'a pas été consultée. Suivez plutôt Célestin Ndikumana, il est président du groupe parlementaire Amizero Yabarundi. Oui, c'est un comportement digne parce que chaque homme responsable doit poser un acte responsable et il doit poser un acte qu'il peut justifier. Donc, nous ne sommes pas entrés, bien évidemment, dans l'hémicycle pour le vote des membres de la CENI pour plusieurs raisons, mais parmi lesquelles il y a quand même une raison fondamentale, c'est parce que nous n'avons pas été associés, c'est parce que nous n'avons pas été contactés. Nos dirigeants, nous-mêmes, nous n'avons pas été associés à ce genre de choix des membres de la CENI. Vous allez me demander pourquoi. Parce que justement, comme les autres ont été contactés, bon, si tout le monde n'avait pas été contacté, on allait comprendre. Il n'y aurait vraiment pas de problème. Mais nous avons appris, avec des sources dignes de foi, que les autres partis partenaires, c'est-à-dire qui ont fourni les membres, qui seront membres de la future CENI, ont été contactés, à l'exception des indépendants à Amizero Yabarundi. Vous comprenez que c'est un grand manquement, nous n'avons pas pu comprendre ça. Vous nous excuserez de ces imperfections qui sont dans cet élément. Selon les informations des dernières minutes, le Sénat vient également d'adopter les 7 noms de la nouvelle commission électorale indépendante. La radio de l'avenir. Je vous le disais en titre, l'association des femmes journalistes plutôt apprécie positivement les propos du président du Conseil national de la communication qui dénonce que trois journalistes de la radioculture, dont une femme, ont été malmenés. Agnès Nindorera, présidente de cette association et professionnelle des médias, explique que ces propos sont rassurants pour les journalistes et demande cependant la synergie de tous les organes concernés afin que ceux qui ont maltraité et empêché ces journalistes d'exercer leur travail soient punis. Suivez-la au micro d'Eline Nibel-Nivikira. J'apprécie beaucoup le fait que le CNC ait pris à main la question des journalistes qui ont été malmenés par des policiers alors qu'ils étaient en train de faire leur travail. J'apprécie cela d'autant plus que, au niveau de la loi, que ce soit la Constitution ou la loi qui régit la presse, le journaliste a le droit d'aller chercher des informations partout, sur tout le territoire du Burundi, sans entrave. Maintenant, si ces journalistes ont été malmenés, battus par des policiers, c'est déplorable parce que les policiers, normalement, devrait plutôt assurer la sécurité des journalistes qui sont en reportage, parce que les journalistes, ce sont des acteurs importants pour la construction du pays, c'est des acteurs importants pour la jouissance du droit à l'information du peuple burundais, et c'est quelque chose qui devrait préoccuper les autorités, et c'est pour cela que j'apprécie que le CNC ait joué son rôle. En tant que professionnel des médias, est-ce que vous êtes rassuré? Je suis rassuré. Je sais que le CNC à lui seul ne peut pas vraiment arriver à détendre l'atmosphère et les relations qu'il y a entre les médias et les pouvoirs publics. On avait déjà commencé à réfléchir ensemble avec le président sortant du CNC pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les autorités au niveau de la base comprennent le travail du journaliste pour voir comment améliorer le climat et la confiance entre les pouvoirs publics. Vous dites que vous appréciez pourtant ceux qui sont malmenés et ont été empêchés de faire leur travail. Oui, je comprends, c'est déjà arrivé, mais maintenant il faut envisager qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain ça ne se reproduise pas. Les propos du CNC, c'est rassurant pour tous les journalistes, pour le milieu des professionnels. À ce niveau, je pense qu'il y a déjà le travail de la justice qui doit être fait. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'on instruise le dossier et qu'on arrive à sanctionner les policiers qui ont malmené les journalistes. Poursuivons ce journal par la page santé. Le cadre d'expression des malades, Semabou en sigle, se dit préoccupé par les conséquences des jus produits et commercialisés sans qu'ils soient certifiés par le Bureau burundais de normalisation de contrôle de qualité BBN. Le porte-parole de cette organisation trouve que le fait que les ingrédients ne soient soumis à une analyse peut constituer une cause de maladie. Sylvain Abanabakize appelle le ministre du Commerce et de la Santé de tout faire pour protéger la santé de la population. Je vous propose de l'écouter. Nous avons accueilli avec amertume et angoisse le rapport du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité, disant que certaines sociétés se sont donné l'autorisation de fabriquer des jus sans autorisation de ce service habilité. Et quelles sont les conséquences possibles? Sur quoi est fondée votre inquiétude? Notre inquiétude est fondée sur la santé du consommateur. Vous avez entendu que le BBN a dit que, disons, vu des sociétés qui fabriquent ces jus n'ayant pas la marque du BBN. C'est pour cette raison que nous avons des inquiétudes que d'ici quelques années, la santé de la population burundaise, disons, la santé du consommateur va se détériorer davantage. Nous avons des inquiétudes au niveau de la fabrication, au niveau de la qualité, c'est-à-dire que le Bureau burundais de normalisation de compter de la qualité et ne s'est pas rassuré, n'a pas donné l'autorisation et n'a pas contrôlé la qualité de ces jus. C'est pour cette raison que nous avons des inquiétudes au niveau des ingrédients, des produits qui sont utilisés pour la fabrication de ces jus. Au niveau de notre organisation, nous demandons au ministère du Commerce et de l'Industrie de collaborer avec le ministère et à la santé de la population dans ses attributions afin de mener un contrôle rigoureux, voir que ces produits ont été certifiés. Propos recueillis par Charles Makoto Cap sur Ngozi, où le directeur du département chargé de la protection des végétaux tranquillise la population qui consomme les feuilles de manioc dites Isombe, que l'insecte dit Maria Sombe se trouvant sur ces feuilles ne tue en aucun cas. Eliakim Sakayoya conseille plutôt la protection de cet insecte qui tue d'autres insectes nocifs aux végétaux. Écoutons le directeur du département chargé de la protection des végétaux. Il est au micro d'Apollinaire Muzagar. Cet insecte, c'est une larve d'un papillon appelé Spalagis limoleia. Cet insecte est un ennemi naturel qui est très utile à l'agriculteur. C'est un insecte qui mange d'autres insectes qui sont nuisibles aux plantes. Je peux demander aux agriculteurs de préserver la vie de cet insecte parce que cet insecte n'est pas nuisible à l'homme. Plutôt, il nous aide à réguler les organismes nuisibles pour qu'ils ne soient pas beaucoup dévastateurs. Et quel conseil faites-vous aux agriculteurs qui vont cueillir ces feuilles de manioc une fois percevoir chasse cet insecte? Le conseil que nous donnons, c'est simple. C'est que si vous allez cueillir les feuilles de manioc, il faut être vigilant de ne pas récolter la feuille où se trouve cette larve. Parce que la larve est là pour nous aider à réguler les organismes nuisibles qui attaquent les cultures, qui est le manioc. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Transport à présent, le secrétaire général de l'association des transporteurs à Trabou en sigle indique qu'ils sont en train de négocier avec la mairie de Bujumbura pour trouver un autre parking. C'est au moment où les utilisateurs du parking Bujumbura-Bubanza avaient dit qu'ils n'ont plus de parking. Charles Nirambeba fait toutefois savoir que les parkings appartiennent à la mairie et qu'il les donne à la Trabou. Il indique que la mairie a le plein droit de les récupérer et de les utiliser pour l'intérêt public. Suivez Charles Nirambeba. Nous avons été interpellés et comme quoi et le parking de Kotebou, les véhicules qui doivent se rendre à Bubanza, qui avait un chantier naissant. Alors nous sommes en train de travailler avec les autorités municipales et pour trouver une question définitive. Mais sur ça, je voudrais vous rappeler que les parkings qui sont utilisés par l'association des transporteurs du Burundi à Trabou ne sont pas propres à la Trabou. Et ce sont des parkings qui sont donnés par la mairie de Bujumbura à la Trabou pour la gestion. Mais les parkings ils sont propres à la mairie pour dire que s'il y a quelque chose qui doit se faire au sein de ces parkings pour l'intérêt général, et la mairie dispose le plein droit d'utiliser ces parkings comme il veut. Et toutefois, nous, au niveau de l'association, on doit toujours discuter avec les autorités municipales et pour le déménagement ou bien pour relocaliser les utilisateurs de ce parking. Et jusqu'à maintenant, alors, nous avons essayé de réorganiser encore une fois ce parking de l'autre côté du marché de Kotebou, en attendant qu'on trouve une solution définitive avec la mairie de Bujumbura. Au niveau de la Trabou, on propose une gare routière qui doit servir, que ce soit les véhicules qui opèrent au nord ou au sud de la capitale, et pour qu'on mette en place des gares routières qui vont être utilisées d'une façon définitive sans que les gens continuent à déménager. Après transport, parlons de la circulation routière au centre-ville de la capitale Bujumbura. Certains des feux tricolores de signalisation en mairie de Bujumbura ne sont pas fonctionnels, comme les reporters de la radio Isanganiro l'ont constaté. Les chauffeurs de taxi disent que cet état des choses provoque des accidents et demandent aux concernés de réparer ce feu tricolore avant qu'il ne soit tard. Isanganiro. Environ 40 000 personnes réparties dans 9 communes de la province Ngozi ne sont pas enregistrées à l'état civil. Une campagne qui va jusqu'au mois de décembre prochain d'enregistrement de ces dernières a débuté dans cette province. Une campagne soutenue financièrement et matériellement par l'UNICEF. Les détails avec Apollinaire Mzakar. Selon le rapport envoyé par les administrateurs communaux à l'inspection provinciale de l'état civil, 39 568 personnes ne sont pas enregistrées au registre de l'état civil dans différentes communes de la province Ngozi. Le contrôleur de l'état civil dans cette province indique que ces effectifs sont de loin supérieurs, étant donné que certains chefs de colline n'ont pas fait rapport à leur administration communale. Les communes ayant des effectifs élevés de non-inscrits sont Ruhororo et Marangara qui totalisent à elles seules plus de 15 000 non-inscrits sur les 9 communes que compte la province Ngozi. À l'origine, selon Athanase Kibinakanwa, la crise qui a perduré dans ces communes et qui a fait qu'il y ait naissance de beaucoup d'enfants naturels, surtout dans les sites de déplace. Ces effectifs des non-inscrits sont gonflés aussi par les membres de la communauté Batwa, souvent réticents à répondre à cet acte, ajoute-t-il. Le contrôleur provincial de l'état civil Ngozi appelle à cet effet toute personne non enregistrée à l'état civil de le faire durant cette campagne en cours d'enregistrement gratuit, campagne qui prendra fin au mois de décembre 2018. Il y rappelle que toute personne non enregistrée à l'état civil n'a pas de citoyenneté et perd de nombreux avantages d'un citoyen. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara d'Ngozi. Rendons-nous au sud du pays, à Rumonge précisément, où un conseiller à la DP Rumonge est venu hier avec une fiche à remplir par les correcteurs de l'Exeta. les exigeant de contribuer une somme de 2000 francs par enseignant correcteur. Selon ce conseiller, l'implantation de ce centre à Rumongué a pris beaucoup d'argent que la DPI ne peut à elle seule rembourser. Cela est nié par le directeur provincial de l'enseignement à Rumongué qui dit que la DPI Rumongué n'a rien payé pour que ce centre soit implanté dans cette localité. Jean-Pierre Misago, correspondance. Sur cette fiche que Léonard Nyon Saba a lui-même distribuée au chef de groupe des correcteurs répartis par discipline ayant fait objet de l'examen d'état édition 2018, ce mardi matin, au centre de correction Ciseaux-Lycée Rumongué, il est mentionné que chaque correcteur doit payer 2000 francs burundais en guise de contribution dans le remboursement des frais que la direction provinciale de l'enseignement de Rumongué a engagé pour que le centre de correction de l'ex-État, habituellement implanté au lycée Bururi, au chef-lieu de la province Bururi, soit transféré à Rumongué. Mais Messi Léonard Nyonsaba nie avoir distribué ses fiches sans aucune empreinte de la direction provinciale de l'enseignement de Rumongué. Ceux qui les ont reçus l'ont avoué ce mercredi matin en présence du directeur provincial de l'enseignement à Rumongué et le chef de ce centre de correction. Dans une brève rencontre avec le délégué de ces correcteurs ce mercredi matin au lycée Rumongué, Adrien Sabouchimike, directeur provincial de l'enseignement de Rumongué, leur a signifié que la direction provinciale de l'enseignement à Rumongué n'a engagé aucun sou dans ce transfert et que par conséquent, cela n'engage que le distributeur de ces fiches. Et quiconque payera cette somme d'argent aura été purement et simplement rançonné. Jean-Pierre Misago de Rumongué, Radio Isanganiro. Retour sur Bujumbura, la capitale où certains directeurs des écoles privées demandent qu'il y ait échange entre le ministre de l'Éducation et les représentants de ces écoles avant la mise en application de l'ordonnance ministérielle visant l'harmonisation des frais scolaires selon les catégories. Cela a été dit après la réunion que ce ministère a organisée à l'intention de ses directeurs ce mardi en vue de classer les différentes écoles privées dans leurs catégories respectives. Ces directeurs demandent au ministère de l'Éducation de sursoir la mise en application de cette ordonnance. Processus Shingiro nous en dit plus. Passons plutôt aux autres points. Les normes d'infrastructure, toujours, il y a des normes pour les laboratoires, il y a des normes pour les salles de professeurs, il y a des normes sur les toilettes sanitaires. C'est prévu ça. D'accord. C'est Elmenegil Debouliko qui est inspecteur général de l'enseignement fondamental et post-fondamental qui pose les questions au directeur des écoles privées. André Nahomvuchi est directeur de l'école indépendante de Bujumbura, section secondaire, dit que même si cette école est classée dans la première catégorie, il indique que les problèmes ne manquent pas. Bon, je ne dirais pas que c'est la chance, sinon c'est une réalité. Nous avons été classés dans la catégorie A, ce qui est une bonne chose pour nous. Et les problèmes ne manquent pas, si je reviens à l'ordonnance, parce que, comme je le disais, il y a des frais qui nous aidaient dans la gestion qui ont été supprimés. Puisqu'on a supprimé, par exemple, assez à titre illustratif, les frais d'inscription. Gilbert Beko-Djangwa indique que même le Conseil des ministres devrait se pencher sur cette question. Que ça soit une chose bien mûrie, bien réfléchie, c'est-à-dire que le ministère devrait normalement attendre un débat au Conseil des ministres et présenter une loi ou un décret du président. André Nahomvuchi précise que l'ordonnance en soi est louable, mais qu'elle devrait être retouchée. Donc, l'ordonnance en soi, on l'apprécie, mais il a besoin d'être retouché, il a besoin d'être rediscuté. Ces directeurs demandent au ministère de l'Éducation de sursoir à la mise en application de cette ordonnance et enclencher un échange entre les partenaires éducatifs. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, je vous en rappelle l'essentiel. Vous l'avez entendu, les deux chambres basses du Parlement ont approuvé et adopté ce mercredi la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'équipe qui va remplacer celle existante dont le mandat expire le 5 septembre prochain. Une séance qui n'a pas vu la participation du groupe parlementaire Amizero Yabarundi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'étroite collaboration technique du duo Eli Kadogo et Olivier Mugisha. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bon après-midi à tous et à tous.